بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الله، نبدأ في الكلام عن شيء، عن الحقوق الحقيقية في دين الله عز وجل. ونحن في وقت نسمع فيه نريد حق حرية التعبير، نريد حق حرية الجنس، ها كلام كأنه يصدر من أناس مسلمين كأنهم أعضاء في منظمة العفو الدولي، وتسمع كلام حقوق كذا حقوق كذا، لكن الأصل الحقيقي لكل الحقوق لا يذكر عندهم، لا يذكر عندهم. والحق الذي يجب أن نعتني به، وهو أصل الحقوق، وهو الذي خلقت لأجله الحقيقة، لا يذكر، وهو حق ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، حق حرية التعبير، حق اختيار هذا من عامن أريد الجنس كذا، ما في إشكال، كذا كذا كذا. لكن في كلامهم لا يوجد ذكر لحق الله سبحانه وتعالى، وهو أصل الحقوق، وهو الذي خلقت له هذه الدنيا كلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يحقق هذا الحق لله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل commence à parler des droits. À une époque où tu entends un petit peu à travers, je ne parle pas du monde de la mécréance et de l'Occident, je parle du monde musulman, tu entends à parler le droit de la liberté d'expression, le droit à pratiquer la sexualité comme je veux et comme on veut et avec qui on veut, le droit à ceci, le droit à cela, même le droit des chiens, le droit des oiseaux, et va, j'en passe. On dirait, quand les gens y parlent, tu dirais que ce sont des militants d'Amnesty International. Et tu n'entends pas dans leurs paroles la chose la plus importante et le plus principal, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose pour laquelle la créature a été créée. Je ne crée les génies et les humains que pour m'adorer. كم من المسلمين يضيعوا حق الله؟ كم من المسلمين يضيعوا حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من المسلمين يضيعون حق الوالدين؟ كم من المسلمين يضيعون حق أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم؟ وأنت تنظر وهو يتكلم لك عن حق حرية التعبير وكذا وكذا، أين حق الله في كل هذا؟ وين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ En Allah Azza wa Jal, combien de musulmans négligent les droits d'Allah? Combien de musulmans ont négligé les droits du prophète alayhi salatu wasalam? Combien de musulmans négligent les droits de leurs enfants, de leurs femmes? Combien de femmes négligent le droit de leur mari? Et ainsi de suite, si tu les entends, le droit à l'expression, le droit à la liberté du choix, du partenaire, le droit à ceci, le droit à cela, etc. Où est le droit d'Allah? فأصل الحقوق كلها خل الإسلام، وركيزة الحقوق كلها هو حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله سبحانه وتعالى لا بد أن نحققه في حياتنا. أن الله عز وجل la base, la fondation principale, le fondement le plus important dans cette vie, c'est le droit d'Allah سبحانه وتعالى que nous devons accomplir dans notre vie, obligé de l'accomplir dans notre vie. Parce que c'est le pivot autour duquel tout doit se faire. Wa haqqullahi subhanahu wa ta'ala wa an yu'bada wa la yushraka ma'ahu ahad. An yu'bad wa la yushraka ma'ahu ahad. Wa la yu'bada illa bima shara. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il doit être adoré, qu'on lui fasse, qu'on lui réserve le culte exclusivement et qu'on ne doit lui faire aucun associé. قال عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ بِالْجُنُبِ ها وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. هذه آية الحقوق. آية الحقوق بدأ الله سبحانه وتعالى بأعظم حق ألا وهو حقه عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بأعظم أمر وأعظم نهي الذي هو عبادة الله وتحقيق العبودية لله، ونهى عن أعظم ظلم وأكبر جريمة ألا وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وبعدها أتى بحقوق أخرى، الإحسان إلى الوالدين وإلى من هو قريب منك ها ومن دمك ها، وإلى اليتامى والمساكين، أي القيام بحقوقهم، حقوق الوالدين، حقوق ها رحمك، حقوق اليتامى، حقوق المساكين، حقوق الجار، حقوق الصاحب في السفر، حقوق فيه الصاحب، هذا يدخل فيه الجار، يدخل فيه الصاحب في السفر، وتدخل فيه الزوجة، ويدخل فيه الصاحب في مطلقا ها. فكل هذه حقوق أين نحن منها؟ وحق ابن السبيل وانت الحقوق ها. من الله عز وجل Et ce pilier principal, ce fondement principal qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on doit lui réserver le culte sans lui faire d'associer. Dans ce verset, les hommes de science, ils l'appellent le verset des droits. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé avec le plus grand des droits, le plus grand des ordres, et le plus grand des droits. Et il dit, et adorez Allah, et vous ne lui faites aucun associé. Il a donné l'ordre de lui réserver le culte exclusivement, et de ne pas, et il a interdit qu'on lui fasse un associé. Le plus important des ordres, lui réserver le culte. Le plus grand des crimes, c'est de faire un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Hein? La plus grande des injustices, c'est de faire des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun associé. Et après, il a commencé avec les autres droits, citer les autres droits. Il faut être bon avec les parents, et avec les proches, et avec les orphelins, et avec les nécessiteux, avec les voisins. Hein? Et avec les voisins avec lesquels il y a un rapport familial, une relation familiale, et les voisins au sens large du terme avec lesquels tu n'as aucun voisin. Chacun, les droits sont différents d'un degré à un autre. Hein, ils sont spécifiques pour chaque catégorie. Et aussi, le compagnon, ici le compagnon sahib, il est concerné dedans, rentre dedans, celui qui est avec toi en voyage, ton compagnon de voyage. Ta femme, ton ami au sens large du terme, hein? Et le voyageur, etc., etc. Ce verset, les hommes de science l'ont appelé le verset de quoi? Le verset des droits à l'islam. Fa hadi al-aya allati hiya ayatul huquq a'zamu haqqin fiha huwa haqqu Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا لم يحقق الإنسان حقق الله سبحانه وتعالى فليس له شيء، هذا حق لا بد أن يحققه الإنسان. وانظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث المتفق عليه، كان رديفه ورأى حمار ها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ، فقال معاذ لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده، هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت معاذ الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق الله ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ أي وهذا حق أوجبه الله على نفسه. الله لا يجب عليه أحد شيء، وإنما هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على الذين حققوا التوحيد، على الذين حققوا التوحيد وقاموا بهذا الحق العظيم له، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى قال بالعبادة. ماذا لهم؟ قال معاذ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله حق العباد على الله ألا يعذبهم، أي حق العباد الذين حققوا التوحيد وعبدوا الله وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم الله. ها فانظر إلى عظم التوحيد، هذا أكبر الحقوق، هذا أعظم مما ينادى بحق حق حرية التعبير ولا حق هذا الحق الذي إذا حقه الإنسان يسعد في الدنيا وفي الآخرة، يسعد في الدنيا وفي الآخرة. ها فإذا الإنسان أدى حق الله ولم يؤدي حق زوجته فهو عاصٍ لله، وإذا الزوجة أدت حق الله ولم تؤدي حق زوجها فهي عاصية لله، فإذا الولد أدى حق الله ولم يؤدي حق والديه فهو عاصٍ لله. ها وهكذا هذا الحق حق عظيم، لكن تتبعه تلك الحقوق التي تكمل توحيد الإنسان وتكمل إيمان الإنسان. ها لابد داخل الإسلام. قال الله عز وجل ce verset qui est avec nous c'est le verset des droits. ها الله سبحانه وتعالى a commencé avec le droit le plus important qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait est de ne pas faire d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, alors que Mu'ad était sur une bête, derrière le prophète alayhi salatu wasalam, sur le dos d'une bête, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mu'ad lui a dit, présent ya Rasoul Allah. Il dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le droit duquel les serviteurs doivent s'acquitter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ad lui dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, le droit d'Allah duquel doivent s'acquitter ses serviteurs, c'est le fait de lui réserver le culte exclusivement, de ne pas lui faire d'associé. Il a continué à marcher un laps de temps. Et après il a dit, Mu'ad lui dit, présent ya Rasulallah. Il lui a dit, est-ce que tu sais le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala s'ils accomplissent, c'est-à-dire s'ils accomplissent le monothéisme, et s'ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, Mu'ad lui dit, ya Rasulallah, il n'y a qu'Allah et le messager d'Allah qui le savent. Rasulallah lui a dit, là, le droit des serviteurs chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne les châtie pas. Ça veut dire, si ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne lui font pas d'associés, mais il ne va pas les châtier, il ne les châtiera pas. Il ne les châtiera pas. Et ici, le droit des serviteurs chez Allah, c'est pas que les serviteurs ont imposé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, rien, abadan. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à ses serviteurs monothéistes qui réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, maintenant c'est l'homme, il s'acquitte du droit d'Allah, il néglige le droit de sa femme et de ses enfants, il est désobéissant à Allah. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas complète dans ce droit, parce que ce droit d'Allah autour duquel tout va se construire. Et donc il s'acquitte du droit d'Allah, il s'acquitte des droits des autres, de sa femme, de ses enfants. La même chose pour la femme, qui s'acquitte du droit d'Allah, mais qui ne s'acquitte pas des droits de ses enfants et de son mari. il est désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les enfants vis-à-vis de leurs parents. Ils s'acquittent des droits d'Allah, mais ils ne s'acquittent pas des droits des parents. Ils sont désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les autres droits, ce sont des choses qui sont des obligations pour compléter ce monothéisme. Et pour compléter la foi de la personne. Donc plus la personne est négligente dans certains aspects, plus sa foi il va être faible. Et tu vois combien de droits sont cités dans le verset. وهاك دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لك أهمية الحقوق. فهذا فيما يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة ماذا فعل؟ آخى النبي بين الصحابة بين الأنصار والمهاجرين. فكان صلى الله عليه وسلم أن آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة ثياب المهنة ما بينش عليها مرام زينة الجوج ديالها هاملة راسها لابسة الحوايج ديال الكشينة فقال سلمان لأم الدرداء ما شأنك أش بيك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا معناها أي ليس له غرض في النساء زعما الحق ديالها ما كاينش تتشكى فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم جاء ابو الدرداء ويجيب الماكلة لسلمان قال له كل انا صائم قال ما انا باكل حتى تاكل قال له سلمان ما واكل حتى تاكل انت فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فلما كان الليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال له سلمان نم سير تنعس ثم ذهب يقوم مرة ثانية فقال له سلمان نم سير تنعس فلما كان آخر الليل قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن فصلى يا جميعا فقال له سلمان هذا الشاهد إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا أن تريحها وتعطيها قسطا من الراحة ولأهلك عليك حقا كذلك الأهل ديالك خاصك لهم الحقوق ديالهم تكملها لهم فأعطي كل ذي حق حقا أعطي كل واحد الحق دياله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى المسجد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدرداء فذكر له ما قال سلمان أبي الدرداء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فعل كيت ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ملي قال لي أبو الدرداء هذا اللي سلمان وها قال لي صدق سلمان صدق أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيد سلمان عندما وجه أخوه أبا الدرداء أن يؤدي حق الله وأن يؤدي حق نفسه وحق أهله وفي رواية ولزورك عليك حق ديف اللي جاو عندكم الناس لازم تهم عندهم الحق ديالهم فأعطي كل ذي حق حقه فالحقوق أمرها أمر عظيم أكبرها وأعظمها الذي يجب أن تبنى عليه هو حق الله سبحانه وتعالى Donc Allah Azza wa Jal, il nous montre aussi l'importance des droits dans l'islam. C'est ce qui est rapporté par Imam al-Bukhari, rahimahullah. Quand le prophète, alayhi salam, est rentré à Médine, il a fait que les muhajiloun, Il a fait que chacun devient le frère d'un parmi l'Ansar à Médine. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a lié Abu Darda avec Salman al-Farisi. Un jour, Salman al-Farisi vient chez Abu Darda. Il trouve que sa femme était négligente. C'est-à-dire, un habit de ménage, une femme sur laquelle ne se voit pas l'embellissement, rien du tout. Une femme négligée. Il a dit, Ya Abu Darda, qu'est-ce que t'as ? Abu Darda a de lui dire, comme une plainte, ton frère Abu Darda, ce bas monde ne l'intéresse pas. Et c'est pas le bas monde, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que ton frère, les femmes, comme s'il se plaignait que son frère Abu Darda ne lui donnait pas son droit. Et quand Abu Darda est arrivé, un repas était prêt, il l'a ramené pour le donner à Salman. Il a dit à Salman, mange, moi je jeûne. Salman le regarde, il lui a dit, je vais manger quand tu vas manger. Après, ils sont allés se coucher. Un laps de temps juste après, Abu Darda se lève pour prier les prières nocturnes. Salman le voit et lui dit, va dormir, va te coucher. Il va, il se recouche. Un laps de temps après, il réapparaît. Salman le voit et lui dit, va te coucher, va dormir. Et quand il est arrivé, il est parti redormir, et quand il est arrivé la fin de la nuit, le dernier, la fin de la nuit, Salman a dit à Abu Darda, maintenant réveille-toi. Et ils ont prié les prières surrogatoires, et après ils sont partis à la mosquée. Et avant de partir à la mosquée, Salman a regardé Abu Darda, il lui a dit, ton sevrin, il a des droits sur toi. Ton corps, il a un droit sur toi. Ta femme et ta famille ont des droits sur toi. Tu dois donner à chacun son droit. Tu dois t'acquitter vis-à-vis de tout un chacun de son droit. Dans une autre version, ceux, tes visiteurs ou tes invités ont un droit sur toi, tu dois t'en acquitter. Et quand Abu Darda a entendu ceci, ils sont partis ensemble à la mosquée après Abu Darda a raconté ce qui s'est passé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai Salman, il a dit vrai Salman, il a dit vrai Salman. Salman a dit vrai. Donc là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ce qu'a dit Salman. A confirmé cette position, et ses orientations, et ses recommandations qu'a fait Salman à son frère. Qui sont que nous devons, tout un chacun doit s'acquitter de son devoir vis-à-vis d'Allah, de ses devoirs vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, de ses devoirs vis-à-vis de ceux qui le visitent, et ainsi de suite. Il ne doit pas négliger. Tout un chacun, il a des devoirs duquel il doit s'acquitter, donc il doit s'en acquitter. Et le principal de ses devoirs, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد أخ الإسلام فمن أجل هذا الحق العظيم خلق الله السماوات والأرض من أجله كانت القيامة من أجله كانت الجنة والنار من أجله ستوضع الموازين يوم القيامة أخ الإسلام من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار من أجل هذا الحق العظيم الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعليكم السلام ورحمة الله. Donc pour ce noble devoir et ce noble droit et ce géant droit, il y a eu la création, les cieux, la terre, et c'est pour ce droit il y a la résurrection. Et il y a le paradis, il y a l'enfer, et il y a les balances qui vont être dressées pour peser les œuvres, qui est le fait, ce droit, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, je ne veux pas de subsistance. عندما تفتح كتاب الله البقرة تبدأ بها تقرأ 20 آية وتأتي إلى أول أمر الناس جميعا الجن والإنس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجعل أول أمر في كتاب الله توحيد الله وإفراده بالعبادة، وجعل أول نهي في كتاب الله هو عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وجعل ند لله سبحانه وتعالى. سورة البقرة تبدأ ويبين لك الله سبحانه وتعالى بعض صفات القرآن وصفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين، ويأتي أول أمر وأول نهي. أول أمر عبادة الله، إفراد الله بالعبادة. أول نهي عدم الإشراك وعدم جعل ند لله سبحانه وتعالى. هذا يدلك على عظم حق الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نهتم به، لا بد أن نحققه، لأن هذا الذي يوصلك إلى التقوى، هذا الذي يجعلك في مرتبة المتقين. فإن الله عز وجل كنت رجعت يوفر لليف الله سبحانه وتعالى أبخي الفاتحة تتسويت كوا سورة البقرة، وسورة البقرة جسكو فرسي 20 الله سبحانه وتعالى نوزا بارد سيختن كاركتيرستيك دي قرآن certaines caractéristiques des croyants. Il a parlé des caractéristiques, de certaines caractéristiques des mécréants. Et il a détaillé un peu sur les caractéristiques des hypocrites. Et il est arrivé au premier ordre qui est « Ô gens, adorez votre souverain qui vous a créé, et qui a créé ceux avant vous. Hein? » Et il a parlé comme quoi il a fait que la terre soit stable et qu'il y ait la subsistance et tous les moyens pour avoir la subsistance, etc. Et il a donné le premier... La première interdiction qui est le fait de ne pas faire d'équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela te prouve quoi? L'importance du monothéisme, l'importance du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que le Coran, quand tu ouvres au verset 20, tu te retrouves avec le premier ordre qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et la première interdiction qui est le fait de ne pas faire d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. لابد وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. لابد كيف أنا أقول لا إله إلا الله وادبحنا الميت؟ هادي لك سيدي عبد الله ولا هادي لك سيدي علي ولا سيدي يحيى؟ كيف هذا شرك؟ الذبح عبادة فلا تجوز إلا لله. ها لا بد داخل الإسلام. كيف أنا أقول لا إله إلا الله وأقول الله أكبر، وإذا كان الطفل يبكي في الليل اجعلوا له الموس تحت الوسادة، ديروا له الموس تحت الوسادة باش ما يضر به الجن. لا هو موسو لما كان عنده التوحيد غادي يضر به ذاك الجن اللي كان تفوق الموس لديك الجي، وكان ذاك الشيء مبني على الصح التوحيد ديال الله وعلى عقيدة صحيحة أبدا أخ الإسلام. لا إله إلا الله أرى وديروا للدري الشبا وديروا ليه الحرمال وصيبوا ليه الكميميسا، كيف باش تحفظوا من العين؟ كيف باش تحفظوا من العين؟ تحفظوا من العين؟ قل الدعاء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعيذهما بك من الشيطان الرجيم ومن كل هامة وعين الله. أشنو الشبا والحرمة؟ أش بدي لي الشبا ولا الحرمة؟ كان تنفعوك ونفعت راسها، ياك تيلوحا في العافية تدوب كن نقضت راسها من العافية. لا بد داخل الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والذي الليل الخميسة وزيدوا انت القضية، داكشي كتير، داكشي كتير. Il dit dans le verset « Adorez Allah et ne lui faites aucun associé. » Tu dis « Allahu Akbar » tu dis « La ilaha illallah » et donc la guérison tu dois la chercher chez Allah subhanahu wa ta'ala. égorger, tu le fais pour Allah. Non, tu ne gorges pas pour la tombe, pour celui qui est mort. Ça, c'est pour Sidi Filan. Ça, c'est la promesse que je t'ai faite à Sidi Filan. Hein? Égorger, c'est un acte d'adoration. Il doit être fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. La même chose. T'as un enfant, il pleure la nuit. Tu fais les deux. Hein? Mais pas comme disent, hein? Tu lui mets le coteau sur l'oreiller pour qu'il ne soit pas touché par le gène et que le gène ne s'éloigne de lui. Que tu lui mettes le coteau, la gare, un blindé. Tu lui mets-le dans un blindé. Si le génie doit le toucher, il va le rentrer dans le blindé, il va le toucher. Fais les deux A que faisait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, ses petits-enfants, le Hassan ou le Hussein. Wallah, hein? Fais les deux A pour qu'il soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. De l'œil, que les protège, dire shaitan, que. Amma, tu lui fais des petits gris-gris avec la pierre d'Alain. Les fugmentations, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La pierre d'Alain, si elle peut quelque chose pour elle, ben déjà qu'il se sauve du feu dans lequel la jettent les gens. Hein? Qu'est-ce que c'est? La ya khal islam. Haqqullah. Yajibu an yadhi'a. La yajibu an nudhi'a haqqullah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Amara Allah an la yu'bada illa hu subhanahu wa ta'ala. Et dans notre verset, Allah a ordonné le fait que le culte lui soit réservé exclusivement. Hein? فَالْغَايَ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ عِبَادَتُهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُعْبَدَ وَلَا يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٍ الْغَايَ مِنْ خَلْقِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنْ نُخْلِصَ الْعِبَادَةَ لِلَّهُ وَأَلَّا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Le but pour lequel les créatures sont créées, c'est pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas lui faire d'associé. وَالْأَدِلَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرًا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et les preuves dans le Coran sont nombreuses à attirer notre attention sur ce géant droit qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de réserver à le culte à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui faire d'associer. Qul azza wa jal yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi. Le wahy sammahu ruhan. Limada? Li'annahu bil-wahy tahya al-qulub. كما أن الروح هي حياة للأجسام فالوحي حياة للقلوب. كلام الله وسنة مصطفى عليه الصلاة والسلام حياة للقلوب. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنذروا الناس بأنه لا معبود بحق إلا الله. ها؟ لماذا أرسلت الرسل؟ لماذا أنزلت الكتب؟ لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. Il dit dans le verset, Allah سبحانه وتعالى fait descendre avec les anges l'âme de son ordre, et c'est l'âme, c'est la révélation. Pourquoi il a appelé la révélation l'âme, disent les hommes de science? Parce que la révélation, c'est la vie du cœur. Comme l'âme et la vie des corps, et la vie des corps, la révélation, c'est la vie des cœurs. Il descend, hein, la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il y a dans cette révélation? Avertissez qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Hein? Ils appellent vers quoi? Le principal sujet et la principale chose pour laquelle la révélation est faite, pour que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يَا مُحَمَّدْ مَا أَرْسَلْنَا كُلُّ الرُّسُلِ الَّتِي مَرَّتْ قَبْلَكَ كُلُّهُمْ أُرْسِلُوا بِمَاذَا؟ بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Et dans l'autre verset, il dit, hein, tous les messagers que nous avons envoyés avant toi, ya Muhammad. Nous leur avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Hein? Voilà pourquoi les messagers ont été envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ طاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل كيفما كان حاله قبر حي ميت شجر الحنش الفيران نقول له ما تعبدوش الفيران دروك كاين المعابد ديال الفيران في الهند كاين المعابد ديال الحناش ها كاين الناس تعبد البقر باقي الناس تعبد الشجار ما تقولش ها فالشرك موجود داخل الاسلام ولعله قريب منك ها قاعد القباب نتاع على شاد دوز وتتشوف والذبيحه والمسم اللي تتنوض لها هاد لا اله الا كلها نايضاش لعباده الله ولا لعباده غير الله سبحانه وتعالى الذبح فيها لله ولا لغير الله ها ما تقول هذا الشيء ما كاينش ابدا ها il est dit dans notre verset nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qu'est-ce qu'il dit le messager adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah il dit pas qu'il y a pas d'autre chose qui s'adore en dehors d'Allah il y a des temples de rats maintenant en Inde et des temples de cobras Hein? Il y a même des gens qui adorent les sexes. Il y a des gens qui adorent encore les vaches. Il y a encore des gens qui adorent les sources d'eau et les arbres à l'islam. Et en Afrique du Nord, tous ces mausolées que tu vois et tous ces coupoles que tu vois, qu'est-ce que c'est? Pour lequel il y a les moussems et il y a les fêtes annuelles où on égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est le monothéisme ça? ابدا اخ الاسلام ابدا فمن اجل هذا الحق الذي هو عباده الله وافراده بالعباده خلقت الجنه والنار فمن حقق التوحيد دخل الجنه ومن ضيع حق الله دخل النار من حقق التوحيد وعبد الله وحده دخل الجنه ومن اخل بالتوحيد وضيع التوحيد دخل النار هذا حكم الله من الله عز وجل c'est pour ce droit qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala existe le paradis et l'enfer celui qui a compris le monothéisme ira au paradis celui qui néglige le monothéisme qui n'accomplit pas le monothéisme de l'autre côté le contraire du paradis ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين أدوا حق الله ماذا لهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله لماذا لأنهم حققوا التوحيد حققوا حق الله فيوفيهم الله الأجور ويزيدهم عز وجل من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي الذين ضيعوا حق الله فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كلام واضح كلام ربنا واضح ها فأما الذين آمنوا وعملوا الصلاة حققوا التوحيد وعملوا بواجبة التوحيد وبمقتضيات التوحيد فلهم ماذا أجرهم وزيادة فضل من عند الله سبحانه وتعالى أما الذين أعرضوا وضيعوا حق الله فلهم العذاب الأليم ها الله عز وجل regarde les versets comment il nous interpelle ها et ceux qui négligent le droit d'Allah et qui s'enorgueillent de l'adoration qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala va les réunir tous, les ressusciter tous et les réunir. Quant à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre, ceux-là c'est qui? Ce sont ceux qui se sont qui ont accompli le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les récompenser, il va leur rajouter de ses bienfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli le droit d'Allah et tout ce qui découle de ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, les devoirs qui découlent de ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? La grande récompense, plus et plus des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les autres, ceux qui ont négligé le droit d'Allah, hein? Il va les châtier d'un énorme châtiment. Ils trouveront aucun allié. Personne ne va être leur allié. Ni quelqu'un va les faire triompher. Hein? Et pourquoi tout ceci? Pourquoi cette situation pénible? Parce qu'ils ont négligé le droit d'Allah. Ils ne se sont pas acquittés de leurs devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ils se sont acquittés des choses et des obligations de ceux deux droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا اللي حقق الإسلام يبدأ من سن التكليف أي سن البلوغ إلى الموت إلى أن يموت الإنسان لا يسقط هذا الحق عن العبد إلا بذهاب عقله أو خروج روحه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي اخلص العبادة لله واعبده بما شرع حتى تأتيك الموت حتى تموت حتى تخرج روحك فهذا الحق لا يسقط عن إنسان أبدا حتى يخرج عقله ها؟ فالمجنون مرفوع عنه القلم ها؟ وحتى يموت تخرج الروح لكن واجبنا منذ التكليف أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وأن نعبد الله سبحانه وتعالى حتى الموت. Et ce devoir, ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de lui réserver le culte, de ne pas lui faire d'associer, il est obligatoire depuis l'âge de puberté, et il ne tombe pas pour la personne. Il est obligatoire pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui va faire qu'il en sera excusé s'il meurt ou s'il perd la raison? Et le verset dit, adore, réserve le culte à ton souverain exclusivement jusqu'à la mort. Il n'y a rien qui va te dispenser des droits d'Allah, sauf la mort ou la perte de la raison. Hein? وهذا اللي حقق الإسلام تذكر أنه لا يقبل عند الله إلا بشرطان اثنان. لا تنسى أنه لا يقبل عند الله إلا بشرطان اثنان. Et ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est accepté chez Allah qu'avec deux conditions à l'islam. ونحن إن خرجنا معكم من هذه الزيارة فقط بأن فهمنا نحن وإياكم هذان الشرطان فنكون قد ربحنا. أولها الإخلاص في كل العبادات أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. حنفاء أي الحنيف هو المائل عن الشرك وهو الموحد. هذه ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية المائلة عن الشرك القائمة على التوحيد وعلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ها من الله عز وجل ce droit doit être accompli hein, sur deux conditions, sinon il n'est pas accepté hein. Ici on comprend durant cette visite que ces deux droits, ces deux conditions, là on a gagné. Et qu'on met en application ces deux conditions, on a gagné la sincérité à l'islam dans tout acte d'adoration. Il dit dans le verset, il leur a été ordonné d'adorer Allah sincèrement et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah dans le monothéisme. On est dit hanif. Le hanif, c'est celui qui a dévié de l'associationnisme et s'est accompli dans le monothéisme. Ibrahim, sa voix, c'était le hanifia, le père des monothéistes. Donc, et qu'ils accomplissent la prière et qui s'acquitte de la zakat, et ça c'est la religion de droiture. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص اي اذا لم يكن الدين لم يقم الانسان باخلاص الدين لله فلا يقبله الله لانه هو القائل الا لله الدين الخالص اي لا يقبل الله من العبادات الا ما كان خالصا لوجهه ها فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا دينا خالصا ها dans l'autre verset il dit adore Allah sincèrement dans la religion c'est-à-dire accomplir la religion sincèrement pour Allah et à la fin du verset il dit car Allah سبحانه وتعالى n'accepte que la religion sincère ça veut dire que si la religion et les œuvres d'adoration ne sont pas accomplies dans la sincérité ils ne sont pas acceptés تذكر أخ الإسلام وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت أنا أول المسلمين ها؟ قل إن صلاتي قل لهم يا محمد الصلاة ديالك والذبح ديالك الحياة ديالك الممات ديالك ها؟ يجب أن تكون لله رب العالمين لا شريك له عبادة خالصة لله وهذا هو الأمر الذي أمرنا به نخلص العبادة لله وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ماذا نويت بعملك نويت به الله أو نويت به السمعة عند الناس والرياء نويت به الله أو نويت به هذا ذبحك الذي تذبح نويت به الله وحده أو نويت به الله وهذا اللي تقول لي أنت الصالح ديال الدوار انظر ماذا تريد به et donc dans l'autre verset il dit dis-leur يا محمد ma prière ce que j'égorge ma vie ma mort sont pour Allah le souverain des mondes et il n'a pas d'associé Et c'est ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier des soumis. Donc, toutes ces adorations qui sont citées dans le verset doivent être accomplies sincèrement pour Allah. Et notre vie doit être accomplie dans la sincérité pour Allah. On doit mourir sur cette sincérité dans l'accomplissement de nos œuvres aussi. Hein? Et c'est ce qui nous a été ordonné. Nous ne devons faire aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, certes les actes ne valent que par leur intention. Regarde, qu'est-ce que tu veux avec ton acte? L'ostentation, avec ce que tu égorges, tu veux Allah, et tu veux le saint, que tu dis le saint de ton village ou autre, regarde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est fait, c'est accompli sincèrement pour lui. Amma shartu tani akhal islam, fan yakuna muwafiqan li hadi al-Mustafa alayhi salatu wassalam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أتقوم قوم ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية ونحن كذلك ممتحنون بهذه الآية كل من يدعي منا محبة الله فعليه أن يأتي بما ببرهان وبدليل يدل على صدق ادعائه أما هو هذا الدليل أن يكون متبعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاته في صومه في حجه في زواجه في ولائمه في في في في أخلاقه في معاملاته في كل شيء وإلا فالكذب امتحان أخ الإسلام نحن ممتحون ده تقول انت تحب الله بين ها البينة على المدعي تدعي الحب ديال الله جايب البرهان شنو هو شحال تسوى السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ديالك في الحياة ديالك شحال تتوزن عندك شحال تعمل بها هذا هو الحب ها Et la deuxième condition, frère en Allah, c'est que nos œuvres doivent concorder avec la voix du messager, et avec sa sunnah. Il est dit dans le verset, dis-leur à Mohammed, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera et pardonnera vos péchés. Des gens, à l'époque du prophète, ont prétendu aimer Allah. Le verset, il est descendu pour les éprouver, pour nous éprouver avec. Vous aimez Allah, prouvez-le. Comment le prouver? En suivant le messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Donc le repère, il est là. Je dis que j'aime Allah, il faut que je vois combien pèse la sunna dans ma vie du messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Quelle valeur il a la sunna de mon messager, alayhi salatu wassalam. Combien je mets d'applications? Parce que chacun, tout un chacun de nous qui prétend quelque chose, il doit ramener ses preuves. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Et ici, c'est simple. Je dis j'aime Allah. Il faut que je regarde où j'en suis de la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Pour prouver cette prétention que j'ai. Tout un chacun qui prétend quelque chose, il doit ramener ses preuves. Et la preuve ici, pour prouver ton amour à Allah, tu suis ton messager, alayhi salatu wassalam. ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ما يمكن ان تكون مطيعا لله ان لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا طاعه الله تمر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم et celui qui obéit au messager a obéi à Allah obligé tu n'oublies pas Allah au messager si tu n'as pas obéi à Allah ابدا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que vous donne le messager, prenez-le. Est-ce qu'il vous a interdit? Abstenez-vous. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه الذي يعمل في دين الله عمل ليس عليه أمر رسول الله وما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود عليه فإذا كان مردود عليه هذا يدل على ماذا؟ على أنه غير مقبول. لا ما مقبولش ابدا زيادة على هذا أنه وزر على الإنسان. كيف تعمل هذا العمل وأنت تخالف بعملك المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وهنا تأتي الشبه عند الناس. هذا ذكر الله أمر مطلوب، لكن ذكر الله مطلوب بطريقة معينة من الشرع. فترى الآن الناس تجتمع على ذكر الله جماعة، تلقى هذا قاعد هنا المقدم ديال الحلقة قولوا لا إله إلا الله 100 خطرة، قولوا الله أكبر 100 خطرة، وغادي هذه ليست بالجديدة أخي الإسلام. عندما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خليفة، كان عامله على الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة وبعد التابعين قبل صلاة الفجر يأتون إلى باب عبد الله بن مسعود ويرافقونه إلى المسجد. مرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى المسجد فرأى أمرا لم يعجبه، رأى في المسجد حلقة هنا وأمامهم الحجر الصغير ورجل بحال المقدم دروكا ديال الزاوية تيقول لهم قولوا الله أكبر 100 خطرة وتيحسب، وحلقة أخرى لهيه والحجر قدامهم واحد المقدم حتى هو واقف يقول لا إله إلا الله 100 خطرة، وحلقة لهيه وكذا سبحان الله والآخرين الحمد لله كذا. خرج من الجامع رجع مشى للدار ديال الباب ديال الدار ديال عبد الله بن مسعود، فمن اللي وصل لقى الناس بقي بباب الدار، فقال لهم ألم يخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فبقى ينتظر. عندما خرج ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في المسجد وما رأيت إلا خيرا، إن عشت ستراه. فقال له كان عليك أنت أن تقول لهم أن يعدوا حسناتهم فإن الله لن يضيعهم. فدخل عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى المسجد فرأى، فدخل إلى حلقة من تلك الحلق فقال ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه بين ظهرانكم ما هذا الذي تفعلون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها الذكر والتهليل وكذا وما أردنا إلا الخير فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي تربى عند المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعلم من المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال كم من مريد للخير لن يصيبه كم من مريد للخير لن يصيبه لماذا لا يصيبه لأن ليس هذا هو الطريق ليس هذا هو الطريق خالفوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقول راوي الحديث رأينا أهل تلك الحلق يحاربوننا يوم النهروان أي من هذه البدعة الصغيرة يجتمعوا عليها للذكر جماعة بصوت واحد هزوا السيوف على علي رضي الله عنه وارضاه وكانوا مع الخوارج وتحاربوا علي والصحابة رضوان الله عليه فالبدعة شر الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمآل البدعة إلى الشر وإلى الضلال الكبير فلا بد أعمالنا أن تكون في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام موافقة لهدي عليه الصلاة والسلام موافقة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام دور فرعون الله عز وجل لا دوزيام كونديسيون سي لو فات que nos œuvres doivent concorder avec la sunna du prophète alayhi salam et la voie du prophète alayhi salam. Dans le verset, il y a passé plusieurs versets. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai cité déjà les versets. Si vous aimez Allah, etc. Et dans le hadith du prophète alayhi salam, celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, il lui sera rejeté. Donc s'il est rejeté, ça veut dire qu'il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Et donc nous devons faire très attention au fait que nos œuvres doivent concorder et être conformes à la sunna de notre messager alayhi salam. Si nous voulons l'agrément d'Allah, et regarde, je te donne un exemple, regarde ce que Wisco amène l'innovation. À l'époque du Farouk radiallahu anhu arda, où il était le khalif des musulmans, Abdullah ibn Saoud était, comme si tu dis maintenant, le préfet ou le gouverneur de Koufa. Et les successeurs des nobles compagnons, certains compagnons, avaient l'habitude de passer et d'attendre Abdullah ibn Saoud et de l'accompagner pour Salat al-Fajr, d'aller avec lui pour Salat al-Fajr à la mosquée. Un jour, Abu Moussa al-Ash'ari, comme il est rapporté par Darimi rahimahullah, de passer à la mosquée en premier. Il regarde dans la mosquée quelque chose. Un cercle dans lequel il y a un maestro au milieu, avec un tas de pierres, il dit aux gens, dites Allahu Akbar 100 fois. Un autre de l'autre côté, la même chose, il dit aux gens, dites La ilaha illallah 100 fois. L'autre, il dit, dites Alhamdulillah 100 fois. Et ainsi de suite. Il est sorti de la mosquée, il est revenu vers la maison de, la porte de la maison de Abdullah ibn Saoud. Il a demandé aux gens, est-ce que Abba Abdurrahman est sorti, lui, on dit non, il attend. Quand Abba Abdurrahman, radiyallahu anhu majma'in, est sorti, il lui a dit, Abba Abdurrahman, j'ai vu quelque chose de la mosquée, mais je n'ai vu que du bien. Et il lui a raconté, il lui a dit, tu aurais dû leur dire de comptabiliser leur hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas les léser. Quand Abba Abdurrahman est rentré dans la mosquée, il les a vus, il leur a dit, malheur à vous, communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Malheur à vous. Les vêtements de Mohammed A.S. ne sont pas encore usés, ainsi que les ustensiles de cuisine ne sont pas encore cassés. Ça veut dire que le prophète n'est pas mort il y a longtemps. Il est mort il n'y a pas longtemps. Soit vous êtes sur une grande porte de la guidance, soit vous ouvrez une grande porte du mal. Ou vous êtes mieux guidé que Mohammed A.S. et ses nobles compagnons, ou alors vous ouvrez une porte du mal. Et comme ils ont senti, ils ont vu que la situation est grave, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ya Aba Abdurrahman, nous voulons que le bien. Ya Aba Abdurrahman, celui qui a prêché le prophète alayhi salam, les ambiguïtés ne passent pas. Il leur a dit combien de gens cherchent le bien et ils n'y arrivent pas. veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que ce n'est pas son chemin. Le chemin que vous avez pris, à faire les invocations comme ça, ce n'est pas le chemin du bien. Vous vous êtes trompé de chemin. Vous ne pouvez pas y arriver. Hein? Le rapporteur des hadiths, il dit que la majorité de ces gens qui étaient dans ce cercle, ils ont pris les armes contre Ali radiallahu anhu arda et les compagnons. Regarde la petite innovation où est-ce qu'il les a amenés à prendre les armes contre le gouverneur des musulmans qui était Ali radiallahu anhu arda lors de la bataille de Narawan et contre les nobles compagnons d'Allah. D'une petite innovation à l'islam. Hein? كم من مريد للخير لن يصيبه فما يمكن الخير في اتباع من سلف وسلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والشر كل الشر في اتباع من خلف ها فلا بد tout le bien à l'islam est dans le fait de suivre ceux qui nous ont devancés qui sont Muhammad alayhi salatu wassalam les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection tout le mal est dans le fait de suivre ceux qui ont divergé avec eux qui sont arrivés après eux. لا بد داخل الإسلام لا بد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمة ما ابتدعت في دين الله عز وجل أبدا وكان كل جمعة يقول ها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل هذا يحذر أمته من خطر البدعة ها فانظر انت يوم القيامه ماذا يصيب الناس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يقول عبد الله بن عباس تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدع يوم القيامه ياتون وجوه مسوده ها تبيض اي تضيء تكون منيره ها عليها نور نور السنة ونور الاتباع ونور الإخلاص وتسود وجوه البدعة لماذا؟ لأنهم كانوا في الشر وكانوا في الضلال وخالفوا المصطفى عليه الصلاة والسلام ومخالفة كل خير في هذه الدنيا يقول ابن القيم رحمه الله كل خير في هذه الدنيا هو في متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكل شر في هذه الدنيا هو في مخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام هكذا لا بد داخل الإسلام Hein? Allah Azza wa Jal, le fait d'être en divergence avec le messager alayhi salatu wa sallam est très dangereux. Très très dangereux. Regarde, le jour de la résurrection, le verset il dit le jour où les visages, vont être illuminés et d'autres vont être sombres et noirs. Abdullah ibn Abbas de dire les visages illuminés ce seront les visages des gens de la sunnah, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la sincérité et le suivi. Et les visages sombres vont être les visages des gens de l'innovation. Énorme à l'islam. Visages sombres, parce qu'ils étaient dans le mal, ils étaient dans la divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas suivi le messager alayhi salatu wassalam. Hein? Fala budda à l'islam. وربنا في كتابه عز وجل نص على هذين الشرطين المهمين فانظر أنت في سنة يوم الجمعة ماذا تقرأ في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل صالح متابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص الله الله في الإخلاص والمتابعة يا عباد الله لا بد لنا أن نخلص العبادة لله وأن نتبع في ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقعد فرعون الله عز وجل في سنة du fait de l'air سورة 1 la caverne le jour du vendredi se termine avec quoi? Celui qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse la bonne œuvre ici le suivi et qu'il ne fasse aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité. Nous devons faire attention à nos œuvres. La sincérité et le suivi, ce sont des conditions pour l'acceptation. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, nirzuqana wa iyyakum al-ikhlasa fi al-din, wa mutaba'ata al-Mustafa alayhi salatu wa salam, wa ij'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa saluhu subhanahu wa ta'ala fiqhna wa iyyakum fi dinina, innahu waliyu dhalika wal-qadir alayhi, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا